L'exposition dont vous parlez confronte deux artistes. Peut-on véritablement établir un parallèle entre les deux ? Oui, car l'un comme l'autre se considèrent avant tout comme des artisans. De plus, leur conception de la peinture, de même que leur engagement politique, les rapproche. Cela revient-il donc à considérer qu'au-delà des différences stylistiques, nous relevons des convergences intellectuelles ? Sans aller jusque-là, je parlerai d'analogie de parcours. D'ailleurs, fidèles à la formation qu'ils ont reçue, les deux se consacreront tout d'abord au dessin. Et le premier, à l'instar des grands maîtres de la Renaissance, n'hésitera pas à copier les modèles antiques. À ce titre, nous pouvons le qualifier de classique, et comme tel, il a toute sa place dans cette exposition.